le 6-9 de l'été sur France Inter. Notre rendez-vous avec Magic Elvis, Elvis Presley, on se souvient, 40 ans après sa disparition avec Philippe Robin, visite aujourd'hui dans les studios d'enregistrement où est né le rock'n'roll, les studios Sun à Memphis. Un voyage à Memphis, Tennessee, aux États-Unis, permet bien sûr de visiter le domaine d'Elvis Presley, mais donne aussi la possibilité de découvrir l'endroit que l'on considère comme le lieu de naissance du rock'n'roll, le célèbre Sun Studio. C'est là qu'Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Carl Perkins et tant d'autres ont enregistré leur premier disque dans les années 50. Ce bâtiment de briques rouges, situé au 706 Union Avenue à Memphis, se visite aujourd'hui comme un musée du rock. Alors franchissons ensemble la porte qu'Elvis a poussée timidement en 54 pour tenter sa chance et laissons un grand fan du King, Alain Morisseau, commenter la visite. On rentre dans un petit studio qui sent encore l'époque, avec les plaques en formica, le parterre en lino. Ils ont laissé quand même la même ambiance. Et puis surtout, on vous fait écouter des documents sonores où on entend Johnny Cash, on entend Roy Orbison, Elvis, enfin, les gars qui nous ont fait rêver, ceux qui ont inventé la musique actuelle, hein, les précurseurs. Et puis on se dit que tout se passait là. Si vous avez un peu la fille de musicienne, allez voir Sun Studio parce qu'on a l'impression qu'ils ont enregistré la veille. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. Quand Elvis a tenté de convaincre Sam Phillips, le patron de Sun Studio en 1954, il n'avait pas l'allure habituelle des chanteurs de l'époque. George Klein, l'ami d'enfance de Presley, l'accompagnait souvent. Elvis ne s'habillait pas comme les chanteurs de country. Il ne portait pas de chapeau de cow-boy. Il portait des tenues plus rock'n'roll, ce qui n'était pas courant en 54. Elvis était donc déterminé à réussir quelque chose dans la musique. Et pour cela, il a fallu un jour quitter le petit label Sun pour entrer dans la cour des grands. Son premier batteur, DJ Fontana, nous rappelle que si cela arrangeait Elvis de changer de maison de disque, ça déplaisait pas à Sam Phillips, puisqu'en vendant le contrat de Presley, il récupérait une somme d'argent indispensable pour la survie de Sun Studio. Sam avait besoin d'argent pour engager d'autres artistes et pour faire leur promotion. Alors c'était l'occasion d'encaisser quelques dollars. Tous les chanteurs voulaient être vendus à une grande maison de disques, car Sun n'était qu'un label indépendant. Ils n'avaient pas les moyens de RCA, qui avait une dimension mondiale et qui pouvait dépenser plus d'argent pour un artiste. Ce que Sam ne pouvait pas faire. Elvis fut donc vendu au label RCA pour 35 000 dollars, ce qui était une somme ridicule en comparaison à ce que le King allait rapporter par la suite. Le premier disque d'Elvis chez RCA fut enregistré à Nashville en janvier 56 et il comprenait cette reprise de Ray Charles, I Got a Woman. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. Hey, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh yeah. She's giving me money. What I need, yeah. She's a kind. Oh, They love me both day and night. No more grandmas or fusses, just treats me right. Never run in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place. Right there in the home, I got a home. Way across town, it's a good way. Extra, le son vraiment, alors c'est l'époque, c'est les années 50, le son garage. Magic Elvis, Elvis Presley, I Got a Woman, une série signée Philippe Robin, à écouter, à réécouter sur franceinter.fr.